Leçon 3. Exercice 6. Racontez au passé simple. Exemple. Arrivés de Grèce pour fonder la ville. Ils arrivèrent de Grèce pour fonder la ville. À vous. S'installer au bord du Rhône. Ils s'installèrent au bord du Rhône. Se plaire tout de suite à cause du site. Ils se plurent tout de suite à cause du site. Prendre la décision de ne pas aller voir ailleurs. Ils prirent la décision de ne pas aller voir ailleurs. Construire un premier port. Ils construisirent un premier port. Avoir rapidement beaucoup d'échanges. Ils eurent très vite beaucoup d'échanges. Devenir très vite prospère. Ils devinrent très vite prospères.